une rumeur provient du bas, échappe aux proies. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Sur Radio Dio, on ne se fourre pas le doigt dans l'œil, on ouvre grand ses oreilles. Tout le mois d'avril, sur Radio Dio 89.5, on vous propose un festival radiophonique sur les questions de justice. En partenariat avec la Laverie pour son festival Le Droit dans l'œil. Pendant tout un mois, on se questionne sur la justice d'État, un des instruments de répression qui ne fait que reproduire les rapports de domination systémique, notamment le racisme et le classisme. Des plateaux en direct du festival, des émissions musicales, des rediffusions d'émissions camarades, des émissions politiques. Toute une partie de la radio s'empare de cette thématique. Nous, on n'aime pas dénoncer, sauf les flics et les PDG. Non, on n'aime pas dénoncer. On parlera de justice transformatrice, de cancel culture, des ex-tribunaux militaires, de justice migratoire et d'abolition des frontières, de violences policières et pénitentiaires, de la répression envers les personnes étrangères et les sans-papiers, et même une émission spéciale autour du groupe Justice. Et sûrement bien plus de choses encore. Alors ouvre bien tes oreilles et écoute Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne ou en streaming sur radiodio.org. Pas de justice, y'a pas de paix. C'est la même turquie de marche à genoux. Y'a pas de paix. Tant qu'ils braquent des satellites sur nos frères. Y'a pas de paix. Même si un seul gosse meurt d'un rhume, on cherche un repas. Dans les immondices, si y'a pas de justice, y'a pas de paix. C'est la même turquie de marche à genoux. Y'a pas de paix. Tant qu'ils braquent des satellites sur nos frères. Y'a pas de paix. Même si un seul gosse meurt d'un rhume, on cherche un repas. Dans les immondices, si y'a pas de justice. Le meilleur du monde est pas. Programme complet sur le site de Radio Dio. RadioDio.org. À Saint-Étienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes Beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Pédale Scandale en direct sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne et en streaming sur radiodio.org. Nous sommes le lundi 14 avril 2025 et ce mois-ci, on vous propose une émission consacrée à la cancel culture. Vous l'avez entendu avec le générique qu'on vous a passé avant le nôtre, mais tout le mois d'avril, vous pouvez retrouver sur les ondes de Radio Dio des émissions qui s'emparent du thème de la justice. Un clin d'œil au festival Le Droit dans l'œil de la Laverie, qui a aussi lieu en ce moment à Saint-Étienne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout le programme sur le site de Radio Dio et sur celui de la Laverie. Et il y a notamment encore toute la semaine une proposition d'émission qui parle de violences policières, pénitentiaires et psychiatriques tous les jours à 15h. Alors avec Pédale Scandale, nous aussi on a eu envie de s'intéresser à ces questions de justice, notamment à comment on gère les questions d'agression et de conflit dans nos communautés ou celles qui veulent s'éloigner de la justice d'État. Dans les milieux de gauche féministe et queer qu'on fréquente et qui tentent d'expérimenter des formes de justice transformative, les outils qui ressortent beaucoup sont ceux de la cancel culture. La critique de cette cancel culture, elle, vient majoritairement de l'extrême droite, des milieux masculinistes et anti-woke, ce qui rend difficile une critique de gauche, féministe et queer, alors que nous aussi, on a plein de choses à en dire. On a bien conscience que c'est un sujet clivant et sensible, même entre nous. Ça nous a amené à avoir plein de discussions pas forcément évidentes, parce qu'on vient pas tous et toutes des mêmes endroits, qu'on n'a pas les mêmes vécus, qu'on vit pas tous les mêmes oppressions. Mais cette question a une importance politique qui mérite qu'on se mette en danger, se trompe, ou qu'on s'engueule pour complexifier les concepts, le débat et sortir de la vision du bien et du mal. Pour se situer, on est composé de personnes qui ont pour certaines vécu des agressions sexistes et sexuelles, homophobes, y compris dans l'enfance, et avons tous et toutes grandi dans la culture de viol et de l'inceste. On vit dans une société patriarcale, misogyne et donc homophobe et transmisogyne, ce qui a des conséquences sur comment on se construit dans ce monde. On croit que c'est ce système qu'il faut combattre plus que les individus qui le composent. Cette émission, elle va être très théorique et un peu académique, mais on a la volonté d'essayer de rendre accessible une réflexion qui se veut complexe. Alors pour que ce soit le plus clair possible, on va tout au long de l'émission essayer au maximum de définir les termes qu'on a choisi d'utiliser. Tu pourras la retrouver en podcast sur le site de Duo et donc l'écouter en plusieurs fois si besoin. On va parler d'agression, de culture de viol et d'inceste. Alors si ce n'est pas le moment pour toi, écoute-toi et tu nous écouteras un autre moment ou pas du tout. You know who's really being silenced? People who are silent. Being silent is a big part of being silenced. That's what being silenced means. So who's really being silenced? Not people on podcasts. Not rich morons screaming into the biggest megaphone in world history about how silenced they are. No. People in prison. Queer teenagers in conservative towns. The actual downtrodden and oppressed people of this country. Not you, Miss America. Not you, Mother Superior. You're not silenced. Okay, let's get started. I literally need a man. I need a man. Help! All right, I'm gonna get pliers. The lesbian solution. Okay, let's get started. C'était un extrait d'une vidéo de ContraPoint sur la cancel culture. Alors pour commencer cette émission, on ressent le besoin de préciser notre démarche et de rappeler un peu d'où l'on vient politiquement. On part d'une position anti-carcérale, contre la justice d'État institutionnalisée. Il nous semble donc important de s'emparer des questions de justice sociale, notamment des questions de gestion d'agression et de conflits. Ça nous semble d'autant plus important qu'on vit dans une société construite sur des systèmes d'oppression raciste et classiste, où la culture du viol et de l'inceste sont omniprésents. Parler de culture du viol et de l'inceste, pour nous, c'est rappeler que l'inceste et le viol sont structurels, dans une société basée sur des dominations systémiques, qu'ils sont des outils au service de la domination patriarcale, et qu'on voudrait déconstruire les idées reçues qui véhiculent une représentation faussée de ces violences en tant qu'actes individuels, voire des exceptions pathologiques. La justice d'État étant le bras répressif de ce système de domination, si on veut l'abolir, on doit réfléchir à d'autres manières de gérer les agressions et les conflits. Depuis les années 90, des milieux féministes, noirs notamment, se sont intéressés et ont théorisé des outils que les communautés marginalisées utilisent depuis bien longtemps pour répondre à l'absence de protection du système de justice envers elles. Il s'agit notamment de ce qu'on appelle la justice transformative, qui est une série de pratiques qui s'intéressent aux problèmes sociaux qui sont source des violences et vise à les changer, plutôt qu'à avoir une démarche punitive envers les individus qui commettent des violences. Contrairement à la justice réparatrice, qui elle s'intéresse à trouver des formes de réparation et donc s'intéresse surtout à changer les individus qui commettent des violences, la justice transformative s'intéresse aux questions de domination qui sont à la source de ces violences. La justice transformative est liée à l'abolitionnisme pénal, qui considère que la prison n'est jamais une solution. L'abolitionnisme pénal veut supprimer toutes les prisons et s'oppose à l'idée d'innocentisme, qui considère que la prison serait un moindre mal pour certaines personnes, notamment les violeurs, mais qu'elle ne serait pas adaptée pour des faits jugés moins graves comme pour les dealers par exemple. Nous, on s'inscrit dans ce courant de pensée de l'abolitionnisme pénal. On est contre la prison pour tout le monde, y compris pour les violeurs, puisque nous pensons que la prison est uniquement une réponse morale qui n'amène aucune réparation et nous empêche de prendre la responsabilité collective des violences dans lesquelles nous évoluons. Comme on vient de vous donner des premières définitions écrites par nos soins et qu'on va continuer à le faire tout au long de l'émission, on voudrait dire qu'elles ne se présentent pas universelles et qu'elles sont spécifiques à l'approche choisie pour cette émission. On voudrait aussi préciser que ces outils de justice transformative et réparatrices sont aujourd'hui parfois réutilisés à tort par l'État et ses institutions qui les vident de leur sens politique. Enfin, c'est aussi pour nous important de rappeler que nous ne détenons pas la vérité et qu'on ne se permet pas de juger une personne qui utiliserait la justice d'État, quand c'est bien souvent la seule solution qui lui est proposée. On n'est pas là pour juger des individus, mais pour réfléchir à des outils de justice communautaire qu'on souhaiterait voir se développer. La cancel culture est bien ancrée dans les milieux dans lesquels on évolue. C'est pourquoi on ressent le besoin d'apporter une réflexion critique sur ces pratiques qui deviennent des réflexes non questionnés, y compris par nous-mêmes, et qui ont des conséquences sur nous, notre entourage et sur nos communautés en général. Peut-être que c'est le moment de définir ce qu'on entend par communauté d'ailleurs. Quand on va parler de communauté, on entend à la fois des groupes de personnes minoritaires dans la société, c'est-à-dire des personnes vivant une même oppression systémique. Exemple, communauté issue de diaspora, communauté PD, commu transfemme. Mais c'est aussi à la fois des groupes avec qui on a une histoire une activité commune, avec qui on s'organise politiquement. On trouve ce terme d'ailleurs assez vague et on va essayer de l'employer le moins possible ou alors de préciser de quelle communauté on parle. Les pratiques de la cancel culture font bien des dégâts, du coup, notamment dans les communautés queer transpédéguines dans lesquelles on évolue. Elles rendent aujourd'hui encore compte d'une volonté de punir compatible avec les démarches et fonctionnements de pensée de la droite et de l'extrême droite. Police, prison, justice d'État, État sécuritaire, etc. Là où nos idéaux anticarcéraux et aspirations sociales devraient nous pousser à dépasser ces pratiques. C'est pourquoi il nous semble important de ne pas laisser l'extrême droite s'approprier la critique de la cancel culture pour discréditer toute volonté d'opposition à leurs idéaux nauséabonds. Notre critique n'a bien sûr pas le même objectif. Nos objectifs sont différents puisqu'ils s'intéressent à comment réfléchir et améliorer nos pratiques de justice afin de mieux prendre soin de nos communautés et éviter de détruire des individus. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ces réflexions, loin de là. Il y a beaucoup de personnes et de collectifs qui alimentent la réflexion et créent des ressources autour des enjeux que nous allons aborder dans cette émission. On en a arpenté quelques-unes de ces ressources et on peut notamment vous conseiller la brochure « Refuser de rendre des comptes » traduite et éditée par le collectif Vaisseau Papier, les podcasts et écrits de Clémentine Morrigan ou les brochures de Kai Sheng Tom. Aussi le site internet Transgirls, le compte Instagram Le Petit Nicolaut, le livre « Mieux gérer nos conflits » de Harris ou encore celui de Sarah Schulman « Le conflit n'est pas une agression ». Si ces ressources traitent principalement, mais pas exclusivement, de conflits intracommunautaires, notamment de conflits au sein de groupes militants de gauche, au sein de milieux LGBT, queer ou transpédéguines, ou au sein de familles, on voudrait défendre l'idée que les questions qui se posent dans ces cas doivent aussi servir à nourrir notre réflexion sur nos manières de gérer des conflits et des agressions au-delà du périmètre de nos communautés. And it will be so incredible that the National Cohort 8, promise you this, will come crawling on their knees. J'ai qu'un seul truc en tête. Est-ce que des fois tu la fermes ou faut qu'on t'aide? Parce que la team c'est que des stars, des paillettes. Et dès que je dépanne, on se pète la tête, on bouge pas. Mais je suis juste du... C'est nous les petites merdes et les graines du fond de la classe. Bien sûr qu'on met nos vies à perdre, bien sûr qu'on est dans le fond de la brasse. Parce qu'ils veulent juste nous voir à terre, mais la terre elle est toute basse. C'est juste qu'on a rien à faire, c'est juste qu'on les écoute pas. Pète sa mère, faut que ça pète sa mère. Je fais des bêtises et l'autre tu dis que ça pète sa mère. Tu me trouves mini, on est terrible, mes amis en parisie. Tous les jours je me demande si j'arrête la musique ou les cigarettes. On est bâtis sur des aversions, c'est carré. Qu'est-ce que tu vas faire, petit pavé, les petites paillettes. J'ai percé, j'ai disparu. Tu peux faire sonner mon tel. Moi je réponds que quand Rocky m'appelle. Bébé, si t'as des problèmes, on les shoot, bang bang. Cette cité, on va tourner comme les toupies Beyblade. J'ai bu tout ce que j'avais, mais j'vois la bouteille pleine. Leur mascara de merde tient pas la route, bang bang. J'arrive en Ilia mascara. Ma type de blague sous mascara. Enfin, ok, c'est carré. Coucou, j'ai le token qui t'éteint, y'a plus de reste à ta place. Pécho, si vous voulez dire un truc, j'entends pas, y'a les passes. Soit qu'y'a pas de don, reste passé. Prends le seum, on va tout droit. pète sa mère. Faut que ça pète sa mère. J'fais des bêtises et l'autre qui dit faut que ça pète sa mère. Tout notre mini, on est terrible. Tous mes amis en parésie. Vous venez d'écouter Pète sa mère de Théa en feat avec Rock et Dudu. Alors maintenant, la première partie. La cancel culture, c'est quoi ? Et pourquoi c'est utilisé ? Pour commencer, on avait envie de définir un peu ce que c'est la cancel culture, d'où ça vient et à quel besoin ça répond. Selon nous, la cancel culture, c'est un ensemble d'outils et de réflexes utilisés, notamment dans les milieux féministes et queer, pour répondre à des besoins de justice non institutionnelle. C'est un cadre idéologique qui se base souvent sur la dénonciation publique, la demande de rendre des comptes et de réparer, mais qui peut aussi être utilisé pour punir et ostraciser, voire éliminer des personnes qui nous ont fait du mal ou qu'on considère comme des ennemis politiques. Le terme « cancel » quelqu'un, quelqu'une ou quelque chose, qui peut se traduire en français par « annuler, effacer ou éliminer quelqu'un, quelqu'une, quelque chose », s'est démocratisé d'abord sur Twitter à partir de 2015, d'abord dans les communautés noires états-uniennes, pour s'opposer politiquement à des marques, des entreprises ou des personnalités publiques. Parallèlement et à la même période, le cas de cyberharcèlement et d'humiliation publique sur les réseaux sociaux ont explosé et la notion de cancel culture a été développée pour décrire la culture de représailles coordonnée sur une même cible suite à ses propos en ligne. C'est à partir de 2020 que la droite, d'abord aux États-Unis puis en Europe, s'approprie le terme pour qualifier toute action militante, de gauche principalement, pour crier à la censure et à la réécriture de l'histoire. Aujourd'hui, la notion de cancel culture recouvre des choses très différentes et pas très bien définies, notamment en fonction de qui en parle, mais généralement le terme est utilisé dans le but de formuler une critique. Parler de cancel culture, c'est en soi exprimer un jugement négatif, on parle rarement de la cancel culture en bien. La droite, par exemple, parlera de cancel culture pour condamner des actions politiques antiracistes et décoloniales, comme les déboulonnages de statues, ou des mouvements féministes comme MeToo. À gauche, ou plus spécifiquement nous à Pédale Scandale, on aura tendance à parler de cancel culture pour parler de certaines dérives liées à la culture du call-out. Le call-out, c'est quoi ? C'est la dénonciation publique d'actions, de faits ou de propos jugés problématiques. Cancel culture, dans ce cas, fait référence à l'ensemble des processus de dénonciation puis d'exclusion mis en place à partir de la dénonciation. On peut alors traduire cancel culture par culture de l'effacement ou culture de l'ostracisation. Dans tous les cas, on parle de culture parce qu'on parle de pratiques qui ont infusé les milieux de gauche et nos quotidiens. Dénoncer et relayer ces dénonciations sont devenus des réflexes de base qu'on peine à questionner, et qui sont même souvent vus comme une fin en soi. On a tendance à partir du principe qu'ils sont pertinents dans toute, qu'ils sont pertinents dans toute situation, y compris dans des situations de conflit. Si la cancel culture s'est développée, c'est tout d'abord pour répondre à l'inaccessibilité de la justice étatique pour les personnes de communautés marginalisées. Face au racisme et au classisme, à la misogynie et à tout un panel de discriminations qui imprègnent nos systèmes judiciaires, il fallait bien trouver des manières d'avoir accès à une certaine justice et de renverser des rapports de force. C'est là que le call-out trouve son intérêt. C'est sa dimension publique qui lui donne toute sa force. Il crée une porte de sortie du silence, parce qu'il empêche l'invisibilisation des actes sans avoir à attendre la reconnaissance des institutions, qui, on le sait, n'arrivent que très rarement. La sortie du silence, c'est le premier pas pour s'en sortir après avoir vécu une agression. Sa dimension publique permet aussi de rétablir un rapport de force dans des situations où le crédit social des personnes dénoncées rend leurs paroles plus importantes. Par la reconnaissance par des pairs ou simplement par des personnes extérieures, la parole de la personne qui dénonce prend de la valeur. Ça permet aussi de trouver du soutien auprès des personnes qui nous comprennent et donc de pointer du doigt des injustices qui ne sont, sans ça, pas considérées comme telles. Le call-out, mais aussi le call-in, qui est une confrontation directe et privée, oblige les personnes dont on dénonce les actes à s'y confronter et à en prendre un minimum les responsabilités. Un des besoins auxquels la justice institutionnelle ne répond pas, contrairement au call-out, du moins dans un premier temps, c'est celui de retrouver sa capacité d'agir. C'est un besoin souvent primordial pour s'en sortir après une situation d'agression, d'emprise ou de violence physique, parce que c'est justement quelque chose dont on se retrouve complètement privé. Si on a précisé que le call-out répond dans un premier temps à ce besoin, c'est parce qu'il arrive souvent qu'il échappe des mains de la personne qui l'a fait. Mais on vous parlera de ça plus tard. Lot in our culture I'd cancel if I could. Instead of banning books, I'd ban gerrymandering for good. The rich would feed the poor like the good Lord said they should. And every child without exception would feel loved and understood. No more whitewashing our history when the truth will set us free. No more watching corporate profits soar while people sink into poverty. No more telling kids they're flawed because you think that your God would. There's a whole lot in our culture I'd cancel if I could. There's a whole lot in our culture we should cancel right away. Instead of banning saying gay, we should ban racist holidays. Teachers should get to teach without worrying about their pay, or if they'll have an active shooter that they'll have to keep at bay. No more kids in bulletproof backpacks, it's a school, not a war. No more pretending that machine guns are what the Second Amendment was for. No more doing nothing because it's easier most days. Yeah, there's a whole lot in our culture we should cancel right away. There's a whole lot in our culture we could cancel if we tried. Instead of banning abortions, we could trust women to decide. Every size and shape of body could be normalized, and every type of mental illness could finally be destigmatized. No more squeezing and contorting into boxes we don't fit. No more saying that we're fine when we're not, but scared to admit it. No more telling little boys it's better not to cry. Yeah, there's a whole lot in our culture we could cancel if we try. We've been marching in these streets, singing we shall overcome, praying all the world would give up all their bombs and all their guns. I just want peace of every kind for the whole world tonight, and to believe that Martin was right. We can drive out the darkness with the light. Drive out the darkness, drive out the darkness. We can drive out the darkness with the light. Drive out the darkness, drive out the darkness. We can drive out the darkness with the light. Drive out the darkness, drive out the darkness. We can drive out the darkness with the light. Drive out the darkness, drive out the darkness. We can drive out the darkness with the light. C'était le morceau Cancel Culture de Chris Matthews. Et vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 ou sur radiodio.org. Maintenant, on va s'attaquer à un point long et complexe, accrochez-vous, qui demande de chercher à comprendre les situations avec subtilité, ce qui n'est pas toujours évident en fonction de ce qu'on traverse dans nos vies. On va vous parler des limites et des conséquences que peut avoir la cancel culture, de notre point de vue, avec nos convictions politiques, notamment avec ce regard anticarcéral, de nos vécus et nos analyses, avec l'aide de différentes ressources et de nombreuses heures de discussion, entre nous mais aussi avec d'autres personnes. Autant vous dire que préparer cette partie a été une sacrée prise de tête. Tout d'abord, l'intérêt que peut avoir la dénonciation pour sortir du silence, protéger des personnes autour de nous, se retrouver entre personnes ayant des vécus similaires pour s'entraider, etc., et qui peut être nécessaire dans certaines situations, débouche très vite sur une démarche punitive, avec une volonté d'ostraciser. Or, nous sommes persuadés dans Pédale Scandale que la punition n'est pas un outil qui fonctionne pour faire évoluer des personnes, encore moins des dynamiques structurelles. On a pu en voir l'exemple des débuts de la période où le hashtag MeToo est apparu, où cet outil était initialement prévu pour se reconnaître entre pairs, a évolué, notamment avec le hashtag Balance ton corps en Rance, pour devenir un outil de dénonciation de personnes. Ce qui a permis, avec l'ampleur que ce mouvement a pris, de permettre des dénonciations des violences sexuelles à grande échelle, de montrer l'aspect systémique de celle-ci, mais aussi de changer à grande échelle les représentations du viol, de lancer le comptage des féminicides et pouvoir les dénoncer comme crimes spécifiques de la culture patriarcale, en plus de garder l'objectif initial de la reconnaissance entre pairs. Ça a aussi permis à de nombreuses personnes de se sentir concernées par le féminisme, qui n'est alors plus un gros mot, mais quelque chose dont les personnes se revendiquent en masse. Cependant, les conséquences de ces dénonciations échappent souvent aux personnes qui en sont à l'origine, les dépossèdent ainsi de leurs paroles et de leur volonté, allant punir de manière directe ou indirecte les personnes dénoncées, peu importe la volonté de la personne qui a initié le call-out. Conséquence logique, quand on observe qu'une frange du féminisme mainstream porte fort une volonté punitive des personnes ayant commis des violences, avec comme désespoir que le nombre de personnes condamnées, notamment à de la prison, est minime par rapport au nombre d'agressions sexuelles. Ces revendications partent du principe que la punition répare et protège les survivants et survivantes, raisonnement avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Dans les milieux plus proches de nous, dans les dynamiques collectives dans lesquelles nous entraîne la cancel culture, il y a aussi une forme d'essentialisation binaire, agresseureuse, victime, souvent liée avec une binarité genrée, puisque les termes neutres ou féminisés, agresseureuse ou agresseuse, sont très peu utilisés, même lorsqu'on parle de femmes, cis ou trans, ou de personnes se genrant au féminin ou au neutre, comme pour rappeler cette idée misandre que seuls les hommes agressent, les femmes ne peuvent être que victimes. Cette essentialisation des personnes amène à voir et analyser tous les comportements d'une personne dénoncée comme ayant commis une agression uniquement à travers ce prisme, ce qui emmène à se couper de toute empathie, permettant les comportements les plus crasses, et ce, ad vitam aeternam, sans laisser la possibilité à la personne d'évoluer. Le mot monstre est d'ailleurs souvent utilisé pour qualifier une personne agresseuse, comme pour la disqualifier de son statut d'humain. Ce mot, monstre, permet à la personne qui l'utilise de s'extraire de toute possibilité de ressembler à la personne agresseuse, et aussi de légitimer à l'encontre de cette personne un traitement déshumanisant. Il individualise aussi un comportement le rendant extraordinaire, au sens négatif du terme, et le sort du quotidien et de l'ordinaire, en effaçant tout rapport structurel d'oppression, de culture du viol et d'inceste, de manque d'accès à l'éducation et de responsabilité collective. A l'inverse, les personnes dites victimes, la personne dite victime, est regardée quasi uniquement par ce prisme et obtient ainsi un statut d'immunité puisque la pauvre, elle a vécu quelque chose de si dur que ça ne peut pas être une mauvaise personne. Ce qui peut entraver les processus de guérison et de réparation, en plus d'empêcher cette personne de se remettre en question dans d'autres situations, voire même dans la situation dans laquelle elle a été déclarée ou s'est déclarée elle-même comme victime. En résumé, de manière un peu grossière, un agresseur le serait à vie, dans tous les domaines, ne peut pas changer et mérite donc les pires choses que l'on puisse imaginer, tandis qu'à contrario, une victime le sera toujours et ne pourra donc jamais faire de mal à personne. De plus, ce statut d'agresseur est contagieux et peut être transmis à toute personne ayant en contact avec la personne ayant ce statut, au risque d'en subir les retombées également, ce qui isole et empêche le moindre soutien. Ce avec quoi nous sommes profondément en désaccord. Même la justice d'État, en laquelle nous ne croyons pas, considère que tout le monde a le droit d'être défendu, même si dans les faits, il y a d'énormes biais, notamment racistes et classistes. Dans les dynamiques qu'entraîne la cancel culture, il n'y a aucune possibilité ni de se défendre, ni d'avoir du soutien. Un verdict tombe, par un tribunal invisible, dont tout le monde est jury, sans aucune place ni à la défense, ni au soutien, ni à l'accompagnement, et encore moins à la dignité et à l'intégrité physique ou morale. Le mythe du grand méchant ne nous parle pas. S'il existe bien des actes qui blessent, ce sont ces actes-là que nous voulons juger, pas les personnes. Tout le monde, et encore plus dans nos communautés, est traversé par des traumas, des rapports sociaux de domination, etc. En conséquence, tout le monde mérite d'être écouté. Et s'il est important de croire les survivants et survivantes, d'écouter leur vécu et leurs blessures, leurs demandes, quant à elles, ne peuvent pas être disproportionnées. Now like the pain when they taper off the medicine. No, we're not in Kansas anymore, having reckoning with a different canvas, different strokes, different folks I've never seen. And they still holding me so deep, they could probably see the soul in me. At the very least, they can study my anatomy. But tell me, are you happy? Are you scared? Are you mad at me? No idea, I don't understand y'all. And it's clear you think I'm stupid cause I can't talk. In the same tongue, eating strange meat. I don't know which animal it came from. Now I can't sleep, going crazy. Don't trip, I'm just going through some things, feeling homesick. Gotta stop holding on to things I can't grow with. Feeling culture shock since I left my comfort zone for a bold switch. How could I know everything was right so long ago? It's the year 2050, just imagine that. Living in a cancel culture aftermath. Or is there even culture anymore? Did we cancel that? Sanitize our hands so much back to me, I can handle that. Bring the passion back. Where's the raw meat straight from the habitat? Where's the holidays for the tyrants and the psychopaths? No one ever died, we ate dirt, even though we don't have stats for that. That's a fact. And I transplanted that like an expat. Isolate the fruits from the labors like an extract. Tell me if it makes sense when you take a step back. Nah. Matter of fact, I used to curse a storm up in old battle raps. What if I was teaching and my children got their hands on that? Till it detonates like a blast from the past. I thought I buried that, but I must have planted that. How could I know everything was right so long ago? Goes to show, I don't want the light. No, no, no, no, no, no, no. Oh yes, when you take me out my context, then it gets a little complex. Yeah, it gets a little complex. Acknowledge, then oh yes, when you take me out my context, then it gets a little complex. Yeah, it gets a little complex, it's complex. It was a bad night, but I'm brand new today. Yeah, suddenly there's something that illuminates. Everything uncomfortable has proved to have conducive ways to the evolution of a human to a lucid state. Truly awake to a new way. And I embrace different sides that can communicate. Understand the bond between a person and community. Find a connection and common values can rejuvenate. Yeah, it's kinda stupid to adjudicate. But we do it all the time cause it's human fate. Maybe human nature to assume we're greater. Seen it in your mental movie trailer. Who are you, the savior? Blame it on the USA. Ruminate how we can't lock our actions in a room and wait. We'll never segregate a heart from its environment. We need each other to holistically recuperate. Recuperate, recuperate, recuperate, recuperate. How could I know everything was right so long ago? All goes to show, I don't want the light. No, no, no, no, no, no, no. Oh yes, when you take me out my context, then it gets a little complex. Yeah, it gets a little complex. Acknowledge that, oh yes. When you take me out my context, then it gets a little complex. Yeah, it gets a little complex. It's Vous écoutez toujours Pédale Scandale sur Radio Dio 89.5 ou sur radiodio.org et vous venez d'écouter Cancel Culture Shock de Jeff.Ilosopher. Et pour continuer, on va vous parler d'une autre des dérives qu'entraîne la cancel culture, qui est une confusion entre conflit et agression. Avant de nous attaquer à démêler tout ça, pour mieux comprendre les subtilités, on va vous faire un petit point définition. Encore une fois, on ne parle pas de définition officielle, mais plutôt de la manière dont nous définissons certains mots dans le contexte spécifique de cette émission et de cette thématique. Par exemple, agression. Pour nous, dans ce contexte-là, c'est des violences physiques ou sexuelles. Il s'agit d'une entrave à l'autonomie physique d'une personne de manière intentionnelle ou dont le caractère répété le rend intentionnel. Il existe plein de différentes situations qui n'ont pas forcément les mêmes conséquences et donc pas les mêmes besoins de réparation. Par exemple, il peut y avoir des agressions avec intention de faire du mal ou avec dépassement volontaire de limites ou dépassement non conscient de limites ou encore avec violence physique et ou psychologique, etc. Que nous distinguons d'agression ressentie, où là c'est une situation où une personne se sent agressée par l'acte ou la parole d'une autre personne qui n'avait pas l'intention de nuire. Par exemple, une personne qui n'utilise pas le bon pronom pour une personne trans qu'elle vient de rencontrer et dont elle ne sait rien. Cette situation peut blesser la personne trans mais n'est pas volontaire et est due au manque de connaissance de l'autre personne. Ou encore, on va à des moments parler de micro-agressions, qui elles sont des situations où ce n'est pas l'acte en lui-même qui fait du mal, mais sa répétition par la même ou d'autres personnes de manière récurrente. Exemple, la récurrence de la question posée de ses origines à une personne noire, ou des conseils donnés par des personnes valides à une personne malade sur comment se soigner. Par ailleurs, quand on parle de conflit, on parle de situations où deux personnes, ou groupes, ou plus, sont en opposition sur un sujet, qu'il soit politique, philosophique ou autre. C'est un terme qu'on utilisera aussi pour parler des agressions ressenties et des micro-agressions. Pour revenir sur cette confusion entre conflit et agression, on peut commencer par analyser que les dynamiques inhérentes à la cancel culture permettent, voire incitent, à utiliser des termes de plus en plus vagues, comme VSS, violence sexiste et sexuelle, qui regroupe un panel tellement large de choses différentes que l'on ne peut pas savoir à quoi fait référence précisément la personne qui l'utilise. Mais aussi le terme problématique, ou alors toxique, qui ne disent rien, et tombe comme un diagnostic psychiatrique flou, dans lequel tout le monde peut être rangé dépendamment de qui l'utilise, mais qui ont des conséquences sociales concrètes et violentes. On tient quand même à préciser que dans certains cas, les termes qui englobent une variété de situations peuvent être utiles, comme lorsqu'on parle de viol, qui inclut grand nombre de vécus différents et permet individuellement de mieux comprendre et d'avoir plus de chances de guérir. Cependant, ayant en tête ces différents vécus, il devient alors évident que les réactions qui en découlent ne peuvent être les mêmes. Et donc, dans un cas de dénonciation, il y a besoin de termes précis pour que les réactions qui vont en découler soient adaptées. Nous amenons ce besoin de précision parce que, notamment en cas de conflit, le flou de ces termes peut faciliter les dénonciations publiques, ce qui permet de mettre en place des mécanismes de punition et de mort sociale de la personne ou groupe de personnes avec lequel on est en conflit, et par le même temps, de détourner le regard sur nos propres responsabilités dans ce conflit. Il peut devenir alors stratégique d'être la première personne à lancer un call-out, pour bénéficier du statut de victime et obtenir ainsi une immunité presque totale face aux personnes avec qui l'on est en conflit. Ce qui permet à la fois de fuir la remise en question, tout en punissant les personnes avec qui il y a un désaccord. Ce qui, évidemment, n'est pas une pratique que nous voulons cautionner. En cas d'agression, pour le coup, les enjeux sont autres, et les limites de ces outils aussi. Notamment, les survivants et survivantes qui utilisent cet outil qu'est le call-out s'exposent à des retours de bâton, comme des menaces, de l'intimidation, du harcèlement, etc., tandis que les personnes ayant commis l'agression peuvent n'en subir aucune conséquence quand leur crédit social est si grand que le call-out ne suffit pas à rétablir un rapport de force. De plus, les outils punitifs utilisés par la cancel culture ne changeront ni les personnes, ni la société, ni la culture du viol qui restent les mêmes. Une des pistes pour voir opérer un changement est une réelle éducation à la sexualité et au consentement. Et nous tenons à préciser qu'en cas d'agression, les survivants et survivantes ont souvent peu d'autres choix que d'utiliser l'outil du call-out, tandis qu'en cas de conflit, de nombreux autres outils permettent de faire évoluer les situations en étant potentiellement plus constructifs et moins destructeurs. Ces dynamiques, qui existent au travers de la cancel culture, entretiennent également des peurs de la punition, ce qui entraîne des actions cachées, ce qui peut notamment entraver un processus de responsabilisation et de réparation. De plus, cette peur de la punition nourrit une peur du conflit, jusque dans les réflexions politiques, ce qui implique une quasi-impossibilité d'émettre des doutes, de se questionner publiquement ou encore de ne pas être d'accord avec une personne ou un groupe de personnes. De là, en découle une forme de pureté militante qui est utilisée pour discréditer des personnes ou des groupes qui ont des visions politiques ou idéologiques différentes et de les ostraciser, peu importe qu'il puisse s'agir de personnes ou de groupes déjà minorisés. Par la même occasion, Cette pureté militante empêche tout conflit, ou même la moindre possibilité d'altérité, entrave toute réflexion individuelle ou l'opposition à une majorité, au risque de se retrouver isolé, être exposé à une mort sociale, donc potentiellement réelle. En plus d'entretenir en appauvrissement des termes utilisés pour décrire les choses desquelles on parle, et donc d'empêcher les subtilités de compréhension des enjeux dans des conflits, dans des débats politiques et d'autres types de situations. Enfin, force est de remarquer que de tout ça découlent des prises de responsabilité forcées, là où ça ne peut pas être constructif, puisque nous pensons que la prise de responsabilité doit être une démarche de sa propre initiative pour être efficiente. En viennent donc des prises de responsabilité performatives par des personnes ayant les connaissances sociales spécifiques pour le faire sans pour autant l'affilier à un réel travail de remise en question qui, pour le coup, ne peut s'effectuer en dehors d'une démarche volontaire et difficilement sans soutien. Ces mêmes enjeux mènent à des prises de position de façade qui sont généralement binaires et drastiques, pour écarter toute ambiguïté, ce qui conduit à l'ostracisation de personnes au même titre que la tôle. Tout ça peut emmener certaines personnes ayant subi des call-outs, notamment avec des conséquences abusives, à être complètement désillusionnées des outils féministes, des milieux queer, transpédéguines féministes, jusqu'à se retrouver à tenir, en réaction aux violences subies, des propos notamment antiféministes. Ce qui n'est qu'un exemple que la punition ne marche pas, qu'elle alimente des violences qui ne font que s'amplifier, à en devenir complètement aberrantes. On prend la petite meuf trans qui ne sort plus de sa chambre. On lui dit avec violence qu'on veut plus jamais l'entendre. On se fait passer le mot en occultant les détails. On refait le scénario, on en fait un épouvantail. Call out une meuf trans. Call out une meuf trans. Sa vie expose-la, pose ta question, l'écoute pas, non, non. Call out une meuf trans. Call out une meuf trans. Call out une meuf trans. Tant qu'elle n'est pas silencieuse, elle est vraiment trop dangereuse, ça ouais. Call out une meuf trans. La petite meuf trans se justifie. C'est de la manipulation. La petite meuf trans ne parle plus. C'est de la manipulation. La petite meuf trans est en colère de par sa socialisation. La petite meuf trans fait des excuses. C'est de la manipulation. Non. C'est de la manipulation. Enfin. Cola, tu me trans. Cola, tu me trans. Tu obtiendras réparation à travers son humiliation. Ouais, ouais. Call out une meuf trans. Call out une meuf trans. Call out une meuf trans. C'est pas du tout abusif, c'est de la justice réparatrice. Ben ouais. Call out une meuf trans. Et si elle veut dialoguer, surtout fais-la mariner. Laisse-la dans le silence. Il faut qu'elle pense à ses méfaits. C'est une horrible personne qui ne changera jamais. Elle a même fait une chanson. Ah la salope. Non mais quelle impunité. Cola tu me penses. Cola tu me penses. La justice c'est facile, envoie les bits en exil. Ouais ouais. Call out une meuf trans. Call out une meuf trans. Call out une meuf trans. Pas besoin de peine de mort, puisqu'elle va se suicider. Yeah, yeah. Thank you. Vous avez écouté Call Out, une meuf trans de Needle, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram à Alice au pays des fascistes. Alors, maintenant on passe à la troisième partie, et dans cette troisième partie on avait envie de réfléchir aux perspectives pouvant nous faire dépasser les limites de la cancel culture ou du call out. Pour commencer, on veut rappeler qu'on ne critique pas la cancel culture pour assigner les victimes ou les survivantes au silence, qu'on ne juge pas les survivantes qui ont recours à la justice d'État ou à la cancel culture suite à une agression, et qu'on trouve que la punition de manière générale ne marche pas, et que, si ce n'est pour faire escalader la violence. On part donc du principe que la punition, l'ostracisation et la vengeance ne sont pas des solutions, que des outils punitifs utilisés par la cancel culture ne changeront ni les personnes, ni la société, ni la culture du viol qui reste la même. Et dans notre idéal de changement, une réelle éducation à la sexualité et au consentement, à la construction d'un langage commun autour de l'écoute, la compréhension et l'expression de nos besoins et de nos limites reste une des premières solutions. Maintenant, quel outil nous reste-t-il et comment imaginer et appliquer une justice transformatrice adaptée à notre situation actuelle ? Comment sortir du silence lié aux agressions sans rentrer dans des dynamiques d'exclusion sociale voulues ou implicites ? Eh bien, on n'a aucune recette miracle à proposer. Seulement quelques pistes de réflexion et quelques possibilités d'évolution de nos comportements individuels et collectifs. On pense que cela commence par retrouver de la subtilité, c'est-à-dire éviter d'utiliser des mots valises quand on parle de choses précises, faire attention aux informations que l'on transmet et à leur potentiel impact, limiter les dynamiques de ragot ou de ragotage pour éviter de se retrouver dans la situation où on a déjà un avis tranché sur une ou des personnes qu'on ne connaît pas. Par exemple, dans un cas de gestion d'agression ou de conflit, définir des cadres de confidentialité pour éviter une escalade qui déposséderait la ou les personnes concernées du processus de reconnaissance et de réparation demandé. Il nous semble nécessaire de chercher la compréhension pour sortir du schéma binaire agresseur-agressé. Les rapports de pression et d'agression étant souvent très complexes, leur gestion nécessite du temps, des informations venant des deux parties afin de comprendre ou d'essayer de comprendre ce qu'il s'est passé ou ce qu'il se joue, et d'aider à une résolution ou à une réparation bénéfique aux deux parties. Quand c'est possible, privilégier une gestion interne du conflit ou de l'agression, avec si besoin des personnes extérieures pour participer à la médiation, pour éviter une dépossession du récit et une escalade de la situation qui amène souvent à l'exclusion. Cependant, il nous semble important que la gestion interne ne construise pas une dynamique sociale du secret, c'est-à-dire de la mise sous silence de la situation, et donc participe à l'isolement des personnes concernées. Bien sûr, dans plein de situations, une gestion interne n'est pas possible ou pas adaptée. Mais portez une attention à ce que la gestion publique ne devienne pas un tribunal où tout le monde est juge et où il n'y a aucune défense possible. De plus, nous voulons défendre le droit à l'incertitude et avoir la possibilité de ne pas se positionner de manière binaire et de devoir prendre parti contre des personnes avec qui nous partageons un lien ou que nous ne connaissons pas du tout. On entend souvent dans nos milieux et ailleurs qu'il ne faut pas remettre en question la parole des personnes considérées comme victimes. Cependant, il nous semble important de désacraliser la position de victime et donc d'établir que ces personnes ne détiennent pas toute la vérité, qu'il est préférable de comprendre et d'écouter plutôt que victimiser, qu'une remise en perspective de leur parole est possible, mais qu'elle ne signifie pas une négation de leur ressenti. Comme il nous semble important de ne pas sacraliser la parole des personnes concernées, considérées comme victimes, il nous semble également important de ne pas sacraliser leurs demandes, qui ne sont pas toujours adaptées à la situation et qui s'inscrivent parfois plus dans une démarche de vengeance et d'essentialisation de la personne considérée comme agresseuse. Dans cette perspective, le call-out ne semble pas permettre la mise en place d'outils de transformation et de réparation des individus et des groupes. On a également envie de défendre le droit à l'erreur et la possibilité d'évoluer. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser des actes commis, mais justement de désessentialiser la position d'agresseureuse, d'établir que quand des actes sont commis avec ou sans intention de faire du mal, il est d'autant plus important de laisser la possibilité à la personne de prendre conscience de ses actes et de chercher à s'inscrire dans une démarche réparatrice. La punition et ou la prison ne permettent pas la remise en question de nos actes, ni le droit de changer, car elle nous met dans une position où l'on n'est rien d'autre que l'agression que l'on a commise. Alors on a à plusieurs reprises dans cette émission remis en question le fait de sacraliser la parole des victimes et on a envie de s'expliquer un peu là-dessus. Il ne s'agit à aucun moment de remettre en question la véracité du récit des personnes qui ont subi des agressions, mais de réfléchir à une proportionnalité pratique des réparations qui serait basée sur les besoins des personnes. De manière concrète, il y a une blessure. Quels sont les besoins des personnes blessées ? Toujours en considérant que l'exclusion, comme la prison, ne répondent pas à des besoins, mais sont des postures morales. Le seul besoin qui peut justifier une exclusion, c'est quand des personnes ont vécu des agressions, telles que définies plus tôt dans l'émission, et que les survivants survivantes ont besoin de s'en sortir en sécurité dans certains espaces. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, l'exclusion doit être définie en termes d'espace et dans le temps, car nous considérons que la position d'agresseur n'est pas figée, mais qu'on doit laisser à toute personne la possibilité de changer. On peut aller fouiller dans tout un tas d'outils de réparation pour répondre aux différents besoins des personnes ayant subi des agressions, comme par exemple la formulation d'excuses, le paiement de séances de psy, un partage d'espace défini dans le temps, une aide matérielle pour les tâches du quotidien, le temps de se rétablir, etc. Nous pensons que les demandes de réparation faites à une personne agresseuse ne marche pas, comme on l'a déjà dit plus tôt dans l'émission. Nous pensons que les démarches de réparation faites à une personne agresseuse ne marchent que dans les cas où la personne agresseuse est d'accord pour reconnaître ses torts et réparer. On ne peut pas obliger une personne à rendre des comptes. C'est souvent contre-productif. Non seulement ça ne marche pas, et bien souvent ça ne fait qu'escalader la violence. Dans ce cas, nous pensons que la communauté a la responsabilité de trouver d'autres moyens pour aider les personnes ayant vécu les agressions à se réparer ou à se rétablir. Par contre, on peut considérer qu'en tant qu'individu, on a forcément blessé nous-mêmes des personnes. Le reconnaître, prendre ses responsabilités, faire une amende honorable, ce sont des principes inspirés du programme d'entraide entre pairs en 12 étapes des alcooliques et narcotiques anonymes, une référence qu'on retrouve souvent dans les écrits états-uniens et canadiens autour de la gestion de conflits. Alors c'est quoi ces programmes en 12 étapes ? Il s'agit, après avoir admis que nous étions dépendants et donc malades, d'admettre que nous pouvons guérir qu'avec l'aide d'une puissance supérieure. La puissance supérieure, c'est Dieu pour certains ou certaines. Nous ici avons plutôt la vision du collectif comme puissance supérieure. Ensuite, il s'agit d'admettre que nous avons des défauts et des torts et que pour guérir, il est nécessaire de prendre ses responsabilités et de dresser la liste des personnes que nous avons pu blesser et donc de faire amende honorable, c'est-à-dire de non seulement s'excuser, mais de tenter de réparer et aussi de tenter de s'améliorer pour ne pas continuer de reproduire des comportements qui blessent d'autres personnes. Ça repose donc sur l'idée qu'on est tous et toutes capables de guérir, mais aussi de changer. Nous partageons cette vision que tout le monde peut changer et s'améliorer. Pour nous, la capacité à changer est la base d'une position révolutionnaire. Cependant, nous sommes plus critiques sur la vision universaliste de tous et toutes capables de guérir, car ça prend peu en compte, selon nous, les dominations systémiques et les vécus qui en découlent. Ceci étant dit, si nous pensons qu'il est indispensable de tenir compte des oppressions systémiques qui traversent la société pour avoir une meilleure compréhension des situations d'agression et de conflit, nous pensons aussi tout de même que sortir d'une vision identitariste de nos luttes pourrait aider à mieux gérer les conflits et les agressions et à moins blesser et détruire nos communautés de lutte. Pour expliquer cette vision, on va s'appuyer sur l'avant-propos de la brochure « Refuser de rendre des comptes » écrite par Vaisseau Papier. Tout d'abord, identitaire, c'est un terme parapluie qui qualifie tous les mouvements politiques articulés autour de l'appartenance d'un groupe à une identité commune, ayant pour but de promouvoir ou défendre cette identité. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les mouvements identitaires qui sont issus des identity politics, politique de l'identité en français. Il s'agit d'un courant qui a émergé dans les années 70 aux États-Unis. Son apparition est attribuée au groupe socialiste féministe noir Combahee River Collective, et notamment à l'une de ses fondatrices, Barbara Smith. Face à l'absence de pertinence du féminisme universaliste pour les femmes noires. Ce courant défend l'idée que la lutte doit se faire à partir des expériences vécues par les individus victimes d'oppression systémique. Le féminisme intersectionnel, ainsi qu'une bonne partie des luttes féministes, queer, handi et antiracistes d'aujourd'hui, sont l'héritage de ces identity politics. Ces dernières années, ces courants sont marqués par une individualisation grandissante. La tendance qui domine ramène majoritairement les enjeux d'oppression à des comportements individuels. Par exemple, se situer, checker ses privilèges, se sentir légitime, plutôt que de chercher à élargir et rendre collective la lutte contre toutes les formes d'oppression. Et aussi à des problèmes interpersonnels, par exemple focalisés sur la lutte contre les comportements racistes, sexistes, etc., plutôt que contre le racisme et le sexisme en tant que système. Il y a une condamnation du privilège personnel, une focalisation sur la souffrance liée à l'oppression, qui crée une sorte de système de valeurs où les plus opprimés sont les plus méritants, méritantes. Il y a la tendance à perdre de vue que les oppressions sont liées au maintien du capitalisme et des pouvoirs institutionnels qui assurent sa continuité. Les critiques de ces mouvements mettent souvent en avant que les théories et pratiques identitaires de gauche se perdent dans des pratiques centrées sur l'individu, et que cela ancre la culpabilité et la souffrance individuelle au lieu de révéler le pouvoir collectif d'action, de création et de lutte. On note que cette tendance à l'individualisation est majoritaire dans les milieux radicaux nord-américains, et que c'est assez différent en Europe, même si ces idées et pratiques y sont fortement présentes et s'y implantent de plus en plus. Nous savons bien que cette pensée peut faire réagir, que tout le monde ne sera pas d'accord, mais dans Pédale Scandale, nous pensons que même si se retrouver entre personnes vivant les mêmes oppressions fait du bien et peut permettre de construire des mouvements de lutte face à ces mêmes oppressions, il nous paraît important de se sortir de ce piège qui nous empêche parfois de voir que d'autres personnes vivent des oppressions et des conditions matérielles d'existence difficiles, qu'il est nécessaire d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure pour voir les souffrances qu'il entraîne, et ramener les luttes à des luttes contre des systèmes et non pas contre les individus qui les composent. Pour finir cette partie, on avait envie de réfléchir aux questions qu'il faudrait se poser avant d'amorcer un processus de dénonciation publique, ou même simplement avant de relayer des accusations, à la fois pour évaluer la légitimité de la démarche ou son urgence, et dans la mesure du possible, éviter une escalade punitive injuste. On vous propose donc les pistes de réflexion suivantes. Est-ce que l'accusation vise à empêcher une situation de danger imminent ? La notion même de danger reste à interroger, mais on peut l'entendre par atteinte à l'autonomie ou à l'intégrité, physique notamment, d'une personne. Est-ce que ce sont bien des faits qui sont reprochés à la personne ou au groupe accusé ? De quelle nature sont les faits et sont-ils précis ? L'enjeu ici est de s'assurer que ce n'est pas la personne dans son existence même qui est accusée, mais bien ses actions. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de discussion, médiation, conciliation ou confrontation avant de considérer une dénonciation publique ? L'idée est ici de proposer une gradation dans la réponse à un conflit ou une agression. On peut aussi préciser que si la victime doit être à l'origine de la démarche, elle n'a pas nécessairement à être présente pour toutes ces étapes et peut se faire représenter selon ses besoins. Est-ce que des demandes claires sont formulées et est-ce que l'accusé, personne ou groupe, est en capacité d'y répondre ? Que ce soit des besoins d'action à mettre en place pour protéger la victime ou des demandes de réparation, l'enjeu est de déterminer si les demandes sont légitimes, qu'elles prennent en compte le vécu des personnes ou si elles rendent compte d'une volonté de punir. Est-ce que les demandes sont circonscrites dans le temps ? Notamment, si une exclusion est nécessaire, elle doit pouvoir prendre fin à un moment ou dans des conditions soutenables. Est-ce que là où les personnes accusées ont accès à des espaces de socialisation ou de soutien tout au long du processus ? Les demandes doivent tenir compte des besoins vitaux des personnes. Enfin, il nous semblait important de rappeler que ces questions ne s'adressent pas uniquement à la personne à l'origine de l'accusation, mais également à l'ensemble des personnes qui pourraient, à un moment ou à un autre, prendre part au processus de dénonciation. La gestion d'un conflit ne concerne en effet pas seulement deux personnes ou deux entités, victimes et accusées, mais aussi l'entourage social des deux parties. Entourage parfois commun, que ce soit des amis, des adelphes, des camarades, des témoins, etc. D'abord, parce que les personnes concernées par un conflit ou une agression peuvent solliciter des personnes extérieures pour les soutenir, les aider ou encore les représenter dans des processus de médiation. Dans ce cas, l'entourage est explicitement responsabilisé et doit être en mesure d'évaluer le bien fondé des demandes formulées et des actions mises en place. Mais l'entourage est aussi responsable de fait dans la gestion des conflits, indépendamment de la demande des personnes concernées. Déjà parce que c'est parfois par l'entourage que des accusations deviennent publiques, indépendamment de la volonté de la victime, en particulier par le biais de ragots et de commérages. Mais l'entourage est aussi responsable parce que c'est par lui que les dynamiques d'ostracisation se mettent en place. Une victime n'est pas, à elle seule, en mesure de priver un accusé de toutes ses relations sociales. ce sont bien les personnes qui constituent cet ensemble de relations sociales, qui rompent avec une personne accusée, que ce soit pour performer un soutien à la victime, pour ne pas être associé à l'accusation, ou encore parce qu'on n'a pas les moyens de confronter l'accusé ou de le la défendre, ou parce que la pression des autres est trop forte, ou qu'émotionnellement, c'est trop fort. Il y a alors un enjeu à ce que les personnes de l'entourage puissent évaluer la légitimité des accusations et le caractère proportionné des mesures mises en place suite aux accusations pour pouvoir briser les dynamiques d'ostracisation. On a bien conscience que dans un conflit ou après une agression, il y a tellement de mécanismes qui se croisent que c'est dur, même en tant que témoin extérieur, de tout démêler et d'avoir des idées claires sur la marche à suivre. Mais si au moins on prend conscience de notre part de responsabilité, individuelle et collective, dans l'alimentation de dynamiques d'exclusion, qu'on cherche à creuser la réalité des faits, à essayer de comprendre leur contexte, à encourager et soutenir la discussion et la remise en question, on sera déjà un peu plus en mesure de s'émanciper de la justice carcérale et de ses concepts. I'm a city girl, I like it white boy. I like myself to be watched, makes me feel pure joy. But it depends on your look, what you gonna think, what you wanna do. Is it gonna please me well, do you wanna please me too? Do you like what you see, so be grateful and pleased. That view yourself, I'll tell you that is all that you need. Lean back and enjoy, never take it for granted. Make a wrong move, big disenchantment. First ask, then touch. Always follow that rule. Always wait for the yes, yes, yes, yes. Never break that rule. First ask, then touch. Always follow that rule. Always wait for the yes, yes, yes, yes, yes. Never break that rule. Got a very low self-esteem, which you can see when you devalue me. Your pain all part of the game, let's name it patriarchy's legacy. Obviously adjustment made by running yourself, discuss on me. But you and me, let's face the room to overcome heteronormativity. So don't do the same shit, same shit, as they did. Let's face it with love, tenderness, time, kindness, erase it. So don't do the same shit, do the same shit, as they did. Let's face it with love, tenderness, time, kindness, erase it. I'm a gritty ass bitch, queer edge bitch, I like my self-indulgence willfully. I like to fuck cause I like to be pitched. I'm a gritty ass bitch, queer edge bitch, I like my self-indulgence willfully. I like to fuck cause I like to be pitched. D'écouter Queer Edge Beach de The Other Within et vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 ou radiodio.org. Et on arrive tranquillement à la fin de cette émission vraiment bien dense, on en a conscience. Du coup, n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois. Bon, je vous le dis à la fin de l'émission, hein, mais n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois ou la reprendre ou quoi, ou l'écouter à plusieurs, en discuter. Des fois, ça aide aussi en faisant des pauses, tout ça, tout ça. Du coup, à ce stade, il nous paraît quand même vraiment important de rappeler quelques points. Bon, vous l'avez sans doute compris, on a passé un petit paquet d'heures à réfléchir pour préparer cette émission, parce qu'il s'agit quand même d'un sujet bien, bien complexe. Et du coup, ce qu'on raconte, c'est vraiment notre manière de voir les choses après toutes ces discussions et lectures et partage de ressources. Mais évidemment, ça mérite d'être questionné, d'être nuancé, d'être contextualisé. Et évidemment, il est tout à fait possible de ne pas être d'accord avec nous. J'en profite aussi à cet endroit-là pour mettre un petit point qu'on n'a pas du tout nommé jusqu'à présent. Qui est un peu que dans plein de moments, on comprend complètement l'envie de se venger, on comprend l'envie de faire du mal aux personnes qui nous ont fait du mal, et juste on ne défendra pas une organisation politique ou une structuration des communautés autour de cette volonté. Et voilà, aussi un truc qui a déjà été dit, mais qu'on veut, sur lequel on a vraiment envie d'insister. C'est qu'on prétend du coup pas détenir la vérité, et du coup à aucun moment on est là pour juger les réactions des personnes qui utilisent dans bien des cas les outils qu'elles peuvent dans plein de situations, et vraiment on fait comme on peut quoi. Et dernier petit point, on a reçu quelques mails pour des émissions précédentes, du coup merci beaucoup pour les retours. Alors on est vraiment pas très réactif et réactive pour répondre, mais promis, on finira par le faire. Et j'en profite aussi pour dire merci pour les retours qu'on a reçus en direct là. Et notamment les ressources, on les mettra bien dans l'article qui ira avec le podcast, parce qu'on nous a demandé de rappeler les ressources. Du coup, on les mettra dans l'article. Et aussi, désolé, apparemment, il y a un petit buzz à l'antenne. Du coup, on en est désolé, on ne sait pas trop d'où ça vient. Du coup, voilà. On espère quand même que ce n'était pas trop dégueulasse à écouter. Et pour finir, petit agenda du mois d'avril. Alors, tout le mois d'avril continue le festival de la Laverie, le droit dans l'œil, avec également le festival radiophonique tout au long du mois sur Radio Dio 89.5. Ce week-end, le 19 et 20, à Grenoble, un tattoo circus au 102 en soutien à des luttes anticarcérales. Petit agenda de cantine aussi, il y en a pas mal. Mercredi 16, la cantine de la Cale. Samedi 19, à la MJC des Tilleuls. Repas prix libre, suivi d'une discussion sous forme d'un plateau radiophonique sur l'exil et les frontières. Et le dimanche 20, à la tablée, la cantine pour cantiner, en soutien aux proches d'une personne détenue. Le week-end du 26-27, deux jours autour de l'autodéfense numérique à la MJC des Tilleuls. Le 1er mai, bien sûr, manif et fête à la Cale. Et un petit rappel, tous les premiers lundis du mois, reprise de la Grande Bulle Tendre, permanence LGBTQIA+, à l'Amicale Laïque de Tardy. Moi, je voudrais rappeler quand même deux dates un peu plus précises dans le cadre du festival de la Laverie sur le droit dans l'œil, là, sur la justice. Le dimanche 27, il y a une journée anticarcérale avec une bouffe faite par la cantine pour cantiner. Il y aura des burgers et des frites. Et du coup, venez, ça permettra d'envoyer de la thune, encore une fois, à des gens en prison ou à des proches. Et le mardi 29 avril au Méliès, il y a une soirée organisée par Alarm Fun, SOS Méditerranée et La Laverie autour de la question des frontières. Il y aura du coup la diffusion d'un film sur l'Ocean Viking, puis une bouffe et ensuite une émission de radio enregistrée en public qui sera pas diffusée en direct sur Dio mais qui sera diffusée dans les jours suivants. Avec plein d'intervenants et d'intervenantes, il y aura des gens d'Alarm Fun, notamment une personne d'Alarm Fun Dakar en visio. Il y aura des gens qui sont sur le Louise Michel, du coup un bateau de sauvetage, sur l'Ocean Viking, sur le bateau Nadir. Et des gens aussi qui luttent contre les frontières à santé, notamment l'Anticra et tout ça, tout ça. Voilà. Du coup, venez nombreux et nombreuses. Eh ben, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et on vous souhaite une très bonne soirée. On va vous laisser avec le morceau Les Mortes de Klaus Tinto. La douleur.